إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، toujours dans la réponse de l'auteur face à ceux qui prétendent que on ne fait pas le takfir de ceux qui disent la ilaha illallah et qui font salat, qui font siyam, غير ذلك. طيب، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وللمشركين شبهات أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في كف عمن قالها. مراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. طيب، donc il dit que les mouchriquins ont une autre شبهة. C'est celle que le prophète صلى الله عليه وسلم a blâmé à Oussama ibn Zayd d'avoir tué cet homme qui avait dit « La ilaha illallah ». Comme dans ce fameux hadith où justement il avait envoyé en conquête en un lieu, et que lui, Oussama ainsi qu'un homme des Ansar, avait rattrapé un des mouchriquins, et lorsque l'ont rattrapé, il a fait la shahada. L'Ansar il l'a laissé, et Oussama l'a tué. « Ba'da hada, hinnam akhbira an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est informé, il a dit « أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة إنما قالها تعوذا فلم يزل يكررها حتى قال تمنيت أن لم أكن أسلمت إلى ذلك اليوم. Qu'après, lorsque le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a été mis au courant de ce que Oussama a fait, il le dit, l'a tué alors qu'il a dit la ilaha illallah. Il a dit ça pour se protéger. Il n'a cessé de le répéter, c'est ce que Oussama a dit, j'aurais aimé ne pas m'être soumis, c'est-à-dire à l'islam, si ce n'est ce jour-là. Tellement il s'est senti mal de ce qu'il a fait. Non. Et également les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que je n'étais ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Et d'autres hadiths où il est interdit de tuer ceux qui disent la shahada. Donc le but de ces ignorants, comme le shir le dit, c'est que eux ils voient qu'on ne tue pas une personne qui dit la ilaha illallah quoi qu'il ait fait. Et ça bien entendu c'est batil. فقال بعد هذا فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا في بني حنيفة هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حركهم علي ابن أبي طالب بالنار. Donc il dit, qu'est-ce qu'on dit à ces mouchriquins parmi ces ignorants? Il est connu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu les Yahoud. Amen. Et alors qu'eux ils disent La ilaha illallah. Également que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont combattu les Bani Hanifa, ceux qui avaient dit que Moussaïlama c'était un ami. Et alors qu'eux ils disent La ilaha illallah. Wa Muhammad Rasulullah. Et ils font la salat. Et ils prétendent l'islam. Kazalika, ces gens que Ali il a brûlé, comme on a cité dans le dans précédent. Ils disent La ilaha illallah. Et on ajoute même que Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu a combattu les gens qui ont refusé de donner la zakat. Il a dit wallahi law qatilanna man farraqa bayna as-salat wa zakat fa inna zakat haqq al-mal wa law mana'uni 'inaqan kanu yudunaha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la qataltuhum 'alayha. Il a dit wallahi je vais combattre ceux qui ont différencié entre la zakat et la salat, car la zakat c'est le droit de l'argent. Il dit wallahi s'ils me refusent même une brebis qu'il donnait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire comme zakat auparavant, je les combattrai pour celle-ci. Et c'est la même chose que Omar lui a dit au début avant qu'il combatte. Il a dit "Atuqatilu nasan waqad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Omar lui a dit la même chose, il a dit tu vas combattre des gens alors qu'ils disent la ilaha illallah. Et là Abu Bakr, il a donné cette réponse. Il a dit "Wallah, je vais les combattre." Et là, à la fin Omar a été convaincu de la vie. Et les autres sahaba كذلك. Au début, ils étaient anxieux, ils n'étaient pas d'accord, et au final, ils ont tous accordé la parole d'Abu Bakr, ils ont vu que c'était le haqq. Et également, on peut citer ces gens que Ibn Omar, les Qadariyas, a rendu mécréants. Lorsque ces deux tabi'ins sont venus en visite lors du Hajj, dans le fameux hadith de Jibril, dans la Muqaddima de ce hadith, comment est-ce que Ibn Omar s'est pris comme preuve pour faire le takfir de ces gens-là? Ils l'ont dit. Il y a Ibn Omar, des gens qui lisent le Coran, qui recherchent la science, yakulun an al-amr unuf. Et c'est-à-dire qu'ils disent qu'il n'y a pas de qadar, que Allah ne connaît pas les choses avant qu'elles arrivent. Donc, quand Ibn Omar, فقل لهم أنا بريء منهم وأنهم براء مني والله لو أنفقوا مثل أحد ذهبا صدقة ما قبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر كله. Il a dit quoi? Il dit que je suis innocent d'eux, ils sont innocents de moi. Et il dit, wallah, même si dépenser mis le Uhud en or, sadaqa, ce ne sera pas accepté d'eux, tant qu'ils ne croiront pas au destin. Et après, c'est le hadith de Omar, dans lequel il y a les piliers de la foi, et parmi eux, Al-Iman bi Al-Qadar Khayli wa Sharri. Donc de là, ces gens-là disaient, La ilaha illallah, et ils faisaient Talab al-Ilm. Et après, il a fait quoi, Ibn Omar? Il les a kafar. Donc il y a plein de hadiths qui démontrent que le fait de dire La ilaha illallah, c'est la base, mais après, il y a des choses qui sortent de ce La ilaha illallah. Des actes qui t'en sortent, des paroles qui t'en sortent, des croyances qui t'en sortent. ثم قال المؤلف وهؤلاء الجهلاء مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من جهد شيئا من أنكر من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جهد فرعا من الفروع وتنفع إذا جهد التوحيد الذي هو أصل الدين الرسل ورأسه. Dis donc, ces gens-là, ces ignorants, reconnaissent que celui qui renie la résurrection, il a mécru, il doit être exécuté. Et que celui qui a dit, même s'il a dit « La ilaha illallah », et que celui qui renie une chose parmi les piliers de l'islam, a mécru, il doit être exécuté. Même s'il a dit « La ilallah ». Donc il dit, comment se fait-il que ce « La ilaha illallah » ne leur sert à rien, alors qu'ils ont renié une branche parmi les branches? Et par la suite, elle viendra leur servir quelque chose s'ils renient une chose du Tawhid. Celui qui est la base de la religion des messagers et sa tête. Donc c'est contradictoire. ثم قال ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وانزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي تثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقول الله عز وجل فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن تثبت معنى. تتمنى. Il dit que ces ennemis d'Allah, c'est-à-dire ces mouchrikoun, n'ont pas compris le sens de ces hadiths qu'ils ont pris, soi-disant comme preuve. Par rapport à l'histoire de Usama, il a dit, il a tué cet homme, tamam, qui a prétendu l'islam, du fait qu'il pensait qu'il a dit cela que pour se préserver, par peur de la mort, pour préserver sa vie et ses biens. Donc Usama a cru cela. C'est pour cela qu'il a tué. Parce que ce qui était interdit, c'est que lorsque la personne se soumet à l'islam, fait apparaître l'islam, il est obligé de le délaisser. Jusqu'à ce qu'on voit une chose qui s'oppose à cela. C'est pour cela que Allah, dans le sens, il a dit, ô vous qui avez cru, si jamais vous partez sur terre, c'est-à-dire pour combattre, alors assurez-vous bien. C'est-à-dire de ceux qui vont dire, salam alaikum. D'accord? Donc ce verset démontre bien qu'il faut délaisser et ne pas tuer et s'assurer en premier lieu du hal de la personne. Et ensuite, si après avoir s'être assuré de sa situation et qu'il nous apparaît une chose qui s'oppose à l'islam, alors il est exécuté. Car il dit le fait de dire fatabayyenu, c'est-à-dire assurez-vous bien, quand même, assurez-vous bien de la chose. Si jamais il ne devait pas être tué dans l'absolu, il n'aurait pas le sens de dire cela. On aurait dit la taktulu, mais Allah SWT dans le Coran, il a dit assurez-vous bien. C'est-à-dire que si jamais vous vous assurez qu'il est musulman, laissez-le. Et si après vous apparaît qu'il n'est pas musulman, alors tuez-le. Même s'il a dit la ilaha illallah. Et كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل المنافقين. Les munafiqoun, ils les connaissaient. Pourtant, il ne les a pas tués. Parce qu'ils ont laissé apparaître l'islam. Et aussi pour une maslaha par rapport aux gens. قال وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منهم ما يناقض ذلك والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. Donc on dit l'autre hadith également et les hadiths qui vont dans le même sens, et les hadiths qui sont similaires, cela revient à ce que nous avons expliqué. C'est-à-dire que celui qui fait apparaître le tawhid et l'islam, nous devons le laisser. Jusqu'à ce qu'on voit le contraire. Une chose qui annule cela. Il faut s'assurer qu'une chose annule cet islam par des nawaqid, et les plus gros nawaqid se trouvent dans le tawhid. Comme le font ces gens-là avec qui débat l'auteur. Donc il a bien dit, et la preuve en cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Adi Oussama, l'a-tu tué après qu'il a dit « La ilaha illallah » et il dit « J'étais ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent « La ilaha illallah ». Thumma qala « Huwa allazi qala fil khawarij aynama laqaytumuhu faqtuluhum lain adraktuhum laqtulannahum qatl aad ma'a kounihim min aksar al-nas ibaratan wa tahlilan wa tasbihan hatta anna sahabata yahkiruna anfusahum andahum. وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا إدعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. Donc il a dit quoi également? Ce même prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a dit sur les Khawarij, où qu'il soit, que vous le rencontriez, alors tuez-les. Et si jamais je devais les rencontrer, je les tuerais certes. Et cela du fait que les Khawarij étaient les gens qui faisaient le plus de ibadah, qui faisaient le plus de zikr, de tahlil, de tasbih. Et même les sahaba, se sous-estimaient à côté d'eux, du grand nombre de ibadah qu'ils faisaient. Et eux, ils ont pris la science des sahaba. Et pourtant, la ilaha illallah ne leur a servi à rien. Et tous ces ibadah ne leur servaient à rien. Lorsqu'ils ont prétendu l'islam, et qu'ils ont fait apparaître ce qui s'oppose à la charia. Et là, ce qui apparaît, c'est que l'auteur voit apparemment que les khawarij sont les kuffars. Allah alam, c'est ce qui apparaît de son kalam. Et Cheikh Othaymine, كَنَّوْ يَرَوْ كَذَلِكَ. Je sais que Cheikh Ben Bez, il voit cela, que les khawarij sont les kuffars. Cheikh Othaymine, je ne sais pas, mais dans le tariq qu'il a fait, il ne fait pas de tambih par rapport au kalam de l'auteur, comme s'il était d'accord avec lui. حَتَّى قَالَ لِيَنَّ الْإِيمَانَ لَمْ يَسِلْ لِقُلُوبِهِمْ. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يجاوز حناجرهم. Donc apparemment Cheikh Othaymine, il a l'air de voir aussi le coufre des Khawarij, parce qu'il dit, en parlant d'eux, que la foi n'est pas parvenue dans leur cœur. Et c'était la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit qu'il ne dépasse pas leur gorge. Et là c'était par rapport à la qira'at al-Qur'an, comme dans le hadith de Abi Sa'd al-Khudri. Donc ce qui apparaît, Allah alam, c'est que Cheikh Othaymine également a l'air de voir le coufre, le takfir des Khawarij. Et ça, c'est une masala khilafia. Amma Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, ne voyait pas leur takfir, bien qu'ils aient combattu. Et ça, c'est une chose que l'auteur dit au début du livre. Mais lui, apparemment, il voit son takfir. Allah, c'est ce qui apparaît. Il partage le mazid bahth fi masala. Qala, wa kadhalika ma zakarnahu fi qatl al-yahoud. وقتال الصحابة بني حنيفة وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزو بني المستلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وكان الرجل كاذبا عليهم وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي يحتج بها ما ذكرناه. Donc il dit également ce que nous avons cité du fait que les Yahoud ont été combattus. Car les Yahoud, ils disaient La ilaha illallah. Et ils connaissaient le sens de La ilaha illallah. Également que les Sahaba ont combattu Bani Hanifa, qui avait dit que Mousselema c'était un Nabi. Et aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut un temps à voulu attaquer les Banu Mustaliq. Lorsque un homme vient lui dire qu'il ne venait pas, un homme vient lui dire que ces gens-là ne voulaient pas s'acquitter de la zakat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le verset. Dans le sens où il dit, ô vous qui avez cru, si un pervers vous vient avec une nouvelle, alors assurez-vous-en. Vérifiez bien. Car cet homme-là qui était venu le voir était un menteur. Il a menti sur eux. Mais quoi qu'il en soit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était prêt à les attaquer du fait qu'il ne donnait pas la zakat. Et pourtant il disait, la ilaha illallah. Donc tout cela démontre que ces ahadiths, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu par cela ceux qui disent cette parole-là. Et tant qu'il n'y a rien d'apparent qui s'y oppose, alors on les laisse à leur islam. Mais si une chose apparaît s'opposant à Allah, ilaha illallah, s'opposant au charia de l'islam, qui amène à être combattu ou à être kaffar, alors on le fait. Non, c'est ce que l'auteur a voulu faire comprendre. ثُمَّ قَالَ وَلَهُمْ شُبَهَةٌ أُخْرَى وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة سيستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يحتذر حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستعاثة بغير الله ليست شركا. Donc ils disent une autre chouboha, ces gens-là, et ils disent, dans le fameux hadith, dans la Shafa'a, le hadith de la Shafa'a, rapporté par Abu Huraira et également Anas, Mima Afkur, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yom al-qiyama, dirait que les gens vont chercher secours auprès de Adam, auprès de Nuh, ainsi que Ibrahim, et de Moussa et de Isa. Et tous s'excuseront jusqu'à ce que les gens se rendent auprès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils disent, ces gens-là, si j'ai mouchtekoun, cela prouve que l'on peut rechercher, faire des sti'afa avec autre que Allah, cela n'est pas du shirk. Wal jawab anna kul subhana man taba'a ala kulub a'da'ihi fa inna isti'afata bil makhluk fima yakdir alayhi la yunkiruha kama qala Allah ta'ala fi qisat Musa fasta'athahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwi kama yasta'ithu al-insan bi ashabihi fil harb aw ghayrihi fil ashya yaqdiru alayha في الأشياء يقدر عليها المخلوق. نحن أنكرنا استعاثة العبادة التي يفعلونها عند القبور عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلى الله. Donc dit la réponse à ces gens-là, c'est qu'on dit Subhana, que gloire à celui qui a scellé les cœurs de ses ennemis, car l'istiaatha par les makhlouqat, par les créatures, dans ce qu'ils sont capables de faire, personne ne le renie cela. C'est pour cela que Allah, dans le sens où il dit bien, et celui de son groupe, dans l'histoire de Moussa, alayhissalam, lorsqu'il était dans le peuple de Pharaon, de cet homme qui l'a tué, il a dit bien, Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit, que l'homme de la tribu de Moussa, Tayyib, a cherché secours auprès de lui, contre son ennemi. Et de là, Moussa l'a frappé et l'a tué. Il dit tout comme le fait que la personne cherche secours auprès de ses amis, lors de la guerre ou autre, dans des choses que les créatures sont en mesure d'accomplir. Il dit, nous, ce qu'on renie, c'est l'isti'afa, qui est une ibada, comme ceux que font les gens qui adorent les kubur, ou les awliyas, dans les choses qu'ils sont incapables de faire, du fait qu'ils sont morts ou absents. Des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir. Et Shah Othaymin dit bien, également par rapport à cette shubuhat, الجواب الثاني أن الناس لم يستعيثوا بهؤلاء الأنبياء الكرام ليزيلوا عنهم الشدة ولكنهم يستشفعون بهم عند الله تعالى ليزيل هذه الشدة. وهناك فرق بين من يستعيث بالمخلوق ليكشف عنه الضرر والسوء ومن يستشفع بالمخلوق إلى الله ليزيل الله عنه ذلك. Donc deuxième réponse que Cheikh Othaymin donne aussi à ces gens-là, c'est que ces gens-là n'ont pas fait, c'est-à-dire Yom al-Qiyama, n'ont pas cherché secours auprès des Anbiya pour qu'ils enlèvent d'eux le danger. Cependant, ils sont partis les voir pour demander l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que ce danger, cette shidda, s'enlève. Pour que leur situation soit amoindrie. C'est ça qu'ils ont fait. Qalu ishfa lana 'inda rabbika 'ala ma tara ma nahnu fihi. Ils ont dit, intercède auprès de nous, auprès d'Allah, auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas dans quoi sommes-nous? C'est-à-dire comme dureté. Ils sont partis demander aux Anbiya de faire shafa auprès d'Allah pour que cette dureté cesse. C'est tout. Donc il dit bien qu'il y a une différence entre le fait de demander, de chercher secours auprès d'une créature pour qu'elle enlève le mal, et le fait d'aller demander à une créature une intercession auprès d'Allah pour que Allah enlève ce mal. Et là on parle d'une personne qui est présente devant toi. Ces Anbiya sont devant ces gens-là lorsqu'ils ont fait istishfa. عندهم كانوا أمامهم ما كانوا غائبين وكانوا قادرين على طلب الشفاعة لكن قالوا ils disaient quoi نفسي surtout s'excuser ils n'ont pas pu le faire. فقال إذا ثبت ذلك فاستعاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة. Donc il dit, si jamais cela se confirme, c'est que leur recherche de secours auprès des Anbiya yom al-Qiyama, ils n'ont voulu par cela que qu'ils invoquent Allah, que les gens rendent leur compte vite, c'est-à-dire afin de pouvoir se reposer, que les gens de Jenna puissent se reposer et puissent se soulager de cette affliction qu'il y avait lors du rassemblement Yom Al-Qiyamah. Et cela est une chose qui est permise en dunya et dans l'akhira. وذلك أن تأتي مثلا عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته أما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعاء نفسه. Donc il dit, c'est comme l'exemple d'une personne, par exemple, qui se rendrait un homme pieux, comme si toi tu te rendais auprès d'un homme pieux, tu t'assois auprès de lui, il écoute de toi et tu lui dis, invoque Allah pour moi, comme les Sahaba l'ont fait de son vivant. Ils ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour eux. Mais par contre, après sa mort, sûrement pas, ils ne l'ont jamais fait. Ils ne sont pas allés auprès de sa tombe pour le demander. Même les salafs, taïeb, ils ont blâmé le fait d'aller se rendre auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour invoquer Allah. Taïeb, se prendre auprès de la tombe pour invoquer Allah. Alors que dire d'invoquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même? Cela est encore plus grave. Et Cheikh Al-Faymin dit par rapport à cette mas'ala, il dit qu'il ne convient pas à la personne de prendre pour habitude de tout le temps demander aux gens de faire doa pour lui. Car ça, quand elle est, laissa min adat et salaf. C'était pas parmi les coutumes des salafs. Alors qu'il est permis de faire cela. Cependant, il dit, il craint que par la suite, il y ait une forme de khudur qui se fasse par rapport à celui à qui tu demandes d'invoquer pour toi. Taïeb, ton tawa cool se base un peu sur lui. En plus, le fait d'invoquer toi-même, comme le shir le dit, t'apporte plus de ajr. Car Allah subhanahu wa ta'ala demande cela de toi. Comme il dit, Oud'uni astajib lakum. Invoquez-moi, je vous répondrai. Donc le fait que tu invoques toi-même, fait que toi-même tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et tu en prends plus de ajr. Et le fait de demander tout le temps aux gens, fais dua pour moi, c'était pas une chose que les salafis faisaient. Ça ressemble à la mas'ala de l'istirqa, le fait de demander ruqya aux gens. C'est pour cela que, dans le hadith d'Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que 70 000 entreront au Jannah. Il a dit, Humul ladhin la yastarqoun wa la yaktahoun wa la yatatayyaroun. Ceux qui ne demandent pas qu'on fasse ruqya pour eux, ni qui se font de kay, c'est-à-dire de cotérisation, et ni qui font de mauvais augures, par le tiyara. Car ton cœur se met à s'accrocher à cette personne-là. Donc là, Adam in hadal bab, illa anna. Il n'y a pas de dalil qui dise que celui qui fait cela sort des 70 000. Mais, il y a un lien entre les deux. Que tu commences à te rabaisser devant les personnes et à penser que ces personnes-là ont vraiment un fadl que tu n'as pas. Et cela peut amener à un bab beaucoup plus khatir par la suite. Azaou. Et rapporte une parole de Cheikh al-Islam, rahmallahu ta'ala, qui dit la même chose. Il dit, طلب الإنسان من شخص أن يدعو له فإن هذا من المسألة المذمومة. Cheikh al-Islam dit que si jamais la personne demande à quelqu'un d'autre de faire dua pour lui, cela c'est parmi les choses qui sont blâmables. Et le zahir, apparemment, c'est que Cheikh al-Islam vit sûrement par là ceux qui le font trop. Qui le font trop souvent. Car les sahaba l'ont fait. Les sahaba l'ont fait. Donc on ne peut pas dire que c'est mazmoum à l'itlaq. Bel, mumkin al-istikthar minhu, le fait de trop en faire. Allahu ta'ala a'lam. ثم قال ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة قال إبراهيم أما إليك فلا قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. Donc il dit, ils ont une autre shubuhat encore, ce qu'ils disent dans l'histoire d'Ibrahim lorsqu'il fut jeté au feu par son peuple, que Jibril est venu alors qu'Ibrahim était dans les cieux. Car ils disent qu'en fait, ils lui ont fait une grande catapulte, et que lorsqu'il était encore dans les airs, Jibril est venu le voir pour lui dire, est-ce que tu as un besoin, Ibrahim? Il dit, de toi? Non, je n'en ai pas. Donc là, ils disent, si l'istia'atha envers Jibril avait été du shirk, Jibril n'aurait pas proposé de l'affaire. Donc avant déjà que le chien ne réponde, on précise que cette histoire, matazbut, cette histoire que Ibrahim a rencontré Jibril dans les cieux, au moment où il était projeté vers le feu, l'histoire, le hadith ma yathbut. Comme a dit le mashaykh. قال فالجواب أن هذا من جنس الشبهات الأولى فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوة فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنها لفعل ولو أمره أن يرفعه للسماء لفعل. Donc il dit la réponse. C'est-à-dire, même si on dit que ce hadith s'avérait être authentique, que ça ressemble à la même chebouette que la précédente. C'est-à-dire que Jibril lui a proposé de faire une chose qu'il était en mesure d'accomplir lui-même. Tamam, car Allah dans le Coran, il a dit de lui, Shadid al-Kuwa, dans le sens où il est très, très fort. Donc si Allah lui avait autorisé, Tayyib, par exemple, qu'il prenne le feu et même les montagnes qui étaient autour de Ibrahim, et de les lancer dans le Mashriq ou le Maghreb, il aurait pu le faire. S'il lui avait autorisé de prendre Ibrahim et de le mettre à un endroit à l'abri du feu, il l'aurait fait. Ou s'il avait demandé, il avait autorisé à Jibril de prendre Ibrahim et de l'élever dans les cieux, de l'élever dans les cieux plus haut, il aurait pu le faire. Donc ça, c'est la même chose que la masala précédente. Jibril était en mesure de faire cela. قال وَكَذَا كَرَجُلٍ غَنِي لَوْ مَالٌ كَثِيرٌ يَرَى رَجُلًا مُحْتَجًا فَيُعْرِضْ عَلَيْهِ أَنْ يُقْرِضَهُ وَأَنَّ يَهِبَهُ شَيْئًا يَقْضِي بِهِ حَاجَتَهُ فَيَأْبَى ذَلِكَ الرَّجُلُ الْمُحْتَجُ أَنْ يَأْخُذَ وَيَصْبِرَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ اللَّهُ بِرِزْقٍ لَا مِنَّةَ فِيهِ لِأَحَدٍ فَهَذَا اسْتِعَاثَةُ الْعِبَادَةِ وَالشِّرْكُ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَأَيْنَ هَذَا مِنْ اسْتِعَاثَةِ الْعِبَادَةِ وَالشِّرْكِ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Donc il dit ça se ressemble également à la mas'ala qu'un homme riche mesela verrait un homme pauvre dans le besoin. Cet homme riche lui propose de lui prêter de l'argent, ou alors de lui donner de l'argent, s'il a des dettes ou des besoins, ce genre de choses. Et cet homme pauvre refuserait du fait qu'il ne veut que personne n'ait de faveur sur lui. Donc il dit, ça c'est la même chose, ça ressemble à cela. Cet homme-là préfère attendre que Allah lui donne son risque, plutôt que quelqu'un lui donne quoi que ce soit. Bien que le fait de prendre ça, d'accord, si tu ne l'as pas demandé ou quoi, c'est permis. C'est permis, comme ce fut le cas de Omar, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui passa de l'argent, et il dit, Artir man wa akhwaj minni. Il lui donne là quelqu'un qui a plus besoin que moi. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si une chose de l'argent te vient sans que tu ne l'aies demandé au réalisateur, alors prends-le. Si tu n'en as pas besoin, donne-le à qui en a besoin. Mais toi, prends-le. Donc il dit, comment peut-on comparer cela à l'istira'atha qui ibada qui tombe dans le shirk? Si seulement vous pouvez comprendre. Donc là, ce sont les chebouettes qu'on a pris aujourd'hui. Par rapport à l'istira'atha, et le fait de dire la ilaha illallah n'est pas une chose qui te rend ton sang illicite dans l'absolu, mais que il faut vérifier. Celui qui dit la ilaha illallah là-bas, c'est qu'on ne le tue pas, jusqu'à ce qu'il nous fasse apparaître une chose qui contredit la ilaha illallah dans le dawaq de l'islam. Et l'istira'atha, comme on l'expliquait, l'istira'atha, demande de secours envers une créature présente et en mesure d'accomplir la chose, ça c'est pas du shirk. Comme ces gens-là l'ont mal compris. طيب فبهذا الكلام نكتفي نقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.